Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. C'est incroyable parce qu'on fait semblant de rien. Je ne sais pas si vous avez vu ça et entendu surtout. Trump dit que les immigrants qui cherchent à entrer aux États-Unis, les illégaux, les pas fins, là, ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Ah oui, OK. OK, on arrête là. Hein? Imaginez juste Couillard qui dit ça. Hein? C'est fini. Là. On le met dehors, sur le champ, il fait ses boîtes dans l'heure. Imaginez Trudeau qui dit ça. Même chose, il ramasse son cellulaire à selfie, puis il dégage dans l'heure. Imaginez Macron. Même résultat. Tout tollé international pendant 6 mois, tous les pays lui tombent dessus. Imaginez Hitler qui dit ça des Juifs. Ah oui, mais il l'a fait, lui, il parlait de rats. Ah ouais, et c'était inacceptable. Point à la ligne. Il n'y a pas de négo, là, ça ne se dit pas. Déshumaniser l'autre, c'est comme ça que font les dictatures, les colonisateurs, pour que les crimes paraissent légitimes, hein, normaux, c'est normal. Si je dis que c'est des animaux, ben, ça va mieux passer si je les traite comme des bêtes. Hein? Ben oui. On va pas m'en vouloir si j'en mets quelques-uns en cage, tu sais. C'est normal que je refoule des animaux à ma frontière. Voyons, c'est des violents, c'est des dangereux qui viennent nous menacer. C'est des animaux, tu sais. C'est là qu'on est rendu. Il faut essayer de s'imaginer à quel point c'est horrible ce qu'il a dit. À quel point un leader politique d'une plutocratie, je veux dire d'une démocratie, qui fait la morale aux autres, qui fait partie du G7, qui va se présenter comme un peacekeeper, l'agent de la paix qui patrouille les endroits chauds de la planète, à quel point ça passe pas, à quel point c'est inacceptable. Imaginez Reagan dire ça, imaginez Bush dire ça, imaginez Clinton, Obama, ce serait l'enfer. Mais on n'en est pas là. On vit quelque chose d'incroyable et de très particulier. Parce que Trump est internationalement reconnu comme un bouffon, donc on n'y porte plus attention. On fait comme « Ah ouais, mais c'est Trump, hein? » T'sais, chaque fois qu'il ouvre sa trappe, il prouve qu'il y a à peu près 14 de quotient intellectuel, qu'il n'y a aucun jugement. Un bully de cinquième année dans la cour d'école. Pourtant, c'est pas grave. Hein, il dit « Ce sont des animaux » et il peut continuer sa phrase comme si c'était normal. Vous regarderez l'extrait, là. Comme si de rien n'était. Personne qui l'interrompt en disant « Excusez, time out, vous venez de justifier votre démission immédiate. » Non, pas lui. Lui, c'est pas pareil. Il peut. Il peut dire n'importe quoi parce que ce qu'il dit, ça n'a pas de portée, ça n'a pas d'importance. Comme il change d'idée, comme il se contredit tout le temps, comme il ment sans arrêt... On en sera à 10 000 mensonges en 4 ans. Comme sa parole vaut rien, ben il peut dire ça, ce sont des animaux. Mais qu'est-ce qu'un président, un premier ministre, un leader a d'autre que la valeur de sa parole comme levier, comme outil? Mais des propos comme ça, non seulement ça témoigne de l'inexistence de crédibilité de Trump, mais pendant ce temps-là, ça banalise le racisme. Ah oui! En faisant semblant de rien, ce que les témoins réalisent pas, c'est qu'ils banalisent le racisme, la violence des propos, le mépris des propos. Ça rend les propos du genre normaux, corrects, usuels, pas graves. C'est ça qui est le pire là-dedans, à mon sens. Alors, merci aux Américains, bien sûr, qui ont voté pour lui. Slow clap là-dessus, hein, bravo. La prochaine fois, on met le bouffon dehors, direz-vous. Ah, mais le pire, c'est que ça se peut bien que non. Nobel de la paix, hein? Ah ouais. Bienvenue à Econophile. voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, on a le blog aussi, on est là, bien sûr. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir » davantage sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore, ben, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement, econophile.net, pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, ben, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès à une ou deux des dernières émissions, ça dépend, ainsi que la totalité des émissions, elles, qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Si bonjour. Bonjour, David. J'ai de la misère à me retenir de parler Trump, mais il permet de parler de thématiques importantes. Le racisme, une affaire de rien. Écoute, Jean-Claude, cette semaine, on a décidé de poursuivre dans cette série d'émissions où on explique les acteurs économiques. Là, on s'occupe d'un gros morceau, l'État. Oui, vous avez tous été des gros acteurs. Finalement, on a commencé en septembre dernier en parlant des consommateurs ou de l'hyperconsommation. On a touché les entreprises après, les travailleurs plus récemment, la finance à plusieurs reprises, émissions finalement. Mais je pense qu'on a gardé presque un des plus gros pour la fin, effectivement. Et on servait aussi, bien sûr, on va en parler d'ailleurs au cours de l'émission, du G7, puisque les leaders du monde se réunissent, on s'est dit, garde, c'est le moment de parler justement, puisqu'on va discuter ensemble, notamment d'économie, c'est quoi la portée, c'est quoi leur rôle. Oui, je pense les leaders du monde, plus un bouffon, si je comprends bien ton histoire. Oui, exact. Mais il faut s'amuser, il s'amuse, j'imagine. J'espère qu'il va être là. Oui, j'espère, on verra. Et ensuite, question de la semaine, Jean-Claude. Oui, une question assez sérieuse. Quel est le pourcentage de la population mondiale qui vit toujours dans l'extrême pauvreté? S'il y en a qui se posent la question, là, d'après la définition de la Banque mondiale, l'extrême pauvreté, c'est 1,90 US, là, par jour. On n'est pas salaire minimum, n'est-ce pas, $1. C'est 1,90 $ en parité de pouvoir d'achat, dollars américains, par jour. C'est pas grand-chose. Les gars réunis au G7 dépensent ça beaucoup plus à chaque seconde, ça c'est clair. Alors, réponse en fin d'émission, bien sûr. Jean-Claude, allons-y tout de suite, si tu le veux bien, pour parler le rôle de l'État. Bien sûr, on pourrait mettre la table en disant, en ce cas, me semble-t-il que déjà en cassant la glace, en disant que l'État, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, l'État, c'est nous. L'État, c'est les gens, c'est les élus, c'est cette réalité, cet organisme qu'on a créé qui nous permet de s'insérer dans l'économie, mais dans une certaine mesure, on va parler des différentes façons d'y arriver. Donc, l'État a des rôles, n'est-ce pas? Oui, on va surtout mettre l'accent sur les rôles économiques, finalement. Oui. Puis ça nous ramène un peu à une distinction que j'ai faite à quelques reprises. En fait, c'est une des définitions de l'économie. Il y a deux grandes fonctions au système économique, dans le fond, c'est de produire de la richesse, du développement, de la croissance, et distribuer, évidemment, redistribuer, partager cette richesse-là. Et les rôles de l'État peuvent se regrouper entre ces deux grandes fonctions-là. Du côté de la production de la richesse ou accélérer la croissance, comme les politiciens nous le promettent souvent, ça se résume pas mal à pallier les déficiences et les insuffisances du marché. On a souvent parlé, le néolibéralisme préconise qu'on laisse les acteurs économiques jouer librement, mais malgré tout, le marché a plusieurs, dans le fond, insuffisances, des choses qui ne fonctionnent pas avec le libre marché. Donc, le rôle de l'État dans l'économie, c'est de compenser ou d'annuler ou de pallier finalement ces insuffisances du marché. Puis ça, on peut les regrouper rapidement, là, fournir certains biens publics, comme par exemple la défense, la justice, les infrastructures, défendre le droit de propriété. On pourrait aussi parler, pour ce qui est des déficiences du marché comme telles, les externalités, par exemple, des choses dont le secteur public n'est pas intéressé à s'occuper, comme la protection de l'environnement, par exemple, en termes d'externalité négative. Donc, l'État est là pour empêcher l'entreprise privée de créer trop de nuisances environnementales. Il y aurait de combattre les monopoles aussi. Quand on a le problème présentement, là, les gens du G7 vont peut-être s'y intéresser. Qu'est-ce qu'on fait avec les géants du numérique qui se dirigent tous vers la création de monopoles? Donc, ce serait un rôle attendu des États que d'empêcher la formation des monopoles, ou du moins d'atténuer les effets des monopoles. Il y a de compenser l'information imparfaite, notamment la protection des droits des consommateurs, parce que souvent le consommateur doit acheter des produits et des services dont il ne connaît pas finalement les caractéristiques. Alors, l'État est là pour s'assurer qu'on lui vend des produits et des services qui sont salubres, qui ne sont pas dangereux, en fait, qui correspondent finalement à ce qui est attendu de ces produits-là. Puis il y a évidemment de stimuler le développement industriel. C'est peut-être une tâche qui est souvent contestée. Est-ce que l'État a quelque chose à faire à encourager certains secteurs, certaines entreprises, protéger certains autres? Ça, c'est le côté production de richesse. Je vais juste me permettre aussi de plugger un peu, parce que ce qu'on dit là, ça sort beaucoup de ton propre livre, hein, L'économie démystifiée. Je vais remettre le lien, ne serait-ce que pour que les gens puissent retrouver ça facilement. Parce qu'on y trouve notamment, tu as mis un tableau qui résume fort bien, hein, c'est très simple, très facile à comprendre, le tableau qui explique comment on fait pour les distinguer, là, les deux grands rôles. Là, d'abord, pallier les déficiences d'un côté du marché qui a, pourtant il est parfait ce marché-là, et de l'autre côté, corriger les inégalités. Là, on est rendu sur cet élément-là qui est très important aussi, bien sûr. Et ça, on revient régulièrement à parler des inégalités notamment. Oui, peut-être une petite précision. Oui, c'est un des tableaux dont je suis le plus fier dans mon livre, mais je l'ai copié. Oui, à la source Banque est mondiale. En dessous. Oui, je le vois ici. C'est la Banque mondiale 1997, mais je l'ai quand même adapté. C'est un tableau, effectivement, qui résume très bien, je pense, le rôle de l'État, puis son importance aussi dans l'économie. Et donc, du côté de le deuxième élément des fonctions de l'État, c'est corriger les inégalités. Bien là, c'est lutter contre la pauvreté par des programmes anti-pauvreté, l'aide aux sinistrés. On l'a vu dans le cas de Lac-Mégantic, c'est encore un peu à régler, ce dossier-là, présentement. Assurer des protections sociales, comme les pensions, les allocations familiales, l'assurance-emploi, puis redistribuer la richesse, bien sûr. Et ça, c'est beaucoup rattaché à la fiscalité. Est-ce que l'État est prêt, et jusqu'à quel point, à prendre de l'argent dans la poche des riches, puis le redistribuer sous différentes formes à ceux qui sont davantage moins bien nantis? Donc, ça donne une idée, là, un portrait brossé très rapidement de ces différentes fonctions économiques de l'État. On poursuit, Jean-Claude, si tu veux bien, pour parler peut-être de l'intensité de ce que tu es là-dessus, sur les idéologies, plus ou moins d'État. J'aimerais quand même rappeler une caractéristique de l'État qui, outre son importance là, comme telle, qui est très importante, c'est l'État est le seul acteur dans l'économie qui a un pouvoir de coercition légale. C'est un acteur particulier. Là. Il y a des pouvoirs qui lui sont propres. Des mafias, des bandes de rue, des gangs de rue qui ont des poils de coercion, peuvent forcer certains comportements, mais ce n'est pas légal. Alors que l'État, lui, peut imposer l'impôt, il peut imposer des réglementations sociales, environnementales, économiques. Il peut parler aux autres États aussi, mais je pense que c'est le seul qui peut parler aux autres. On va le voir au G7, justement, c'est des chefs d'État qui se parlent entre eux. C'est pas n'importe quel citoyen comme toi et moi ou n'importe quelle entreprise. Les entreprises, ça, c'est à Davos. Ça, on en a parlé plutôt dans l'année. Mais donc, c'est un acteur quand même très, très particulier qui a des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est important dans l'économie. Oui, et le pouvoir aussi, celui de la représentation, pour moi, ça, c'est ce que j'ai dit en introduction, pour moi, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire, l'État n'existe pas juste pour le fun, pas juste pour embêter les gens d'affaires non plus ou les industriels. Ils ont une job à faire, une job de société à faire. Si on parle justement de certaines idéologies, parce que l'État présent ou pas, là, dépendamment de à qui on s'intéresse et à quelle époque on s'intéresse, c'est plus ou moins intense. Oui, bien, c'est une question extrêmement importante, puis c'est parce qu'elle est toujours dans l'actualité. Oui, c'est plus ou moins d'État. C'est toujours la question. Chaque campagne électorale... Oui, puis c'est parce que derrière, dans le fond, c'est le lien entre la politique et l'économique, mais derrière ça, c'est toujours une question très, très politique, très, très sociale. C'est comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on distribue la richesse entre les riches, les classes moyennes, puis les pauvres. Ça se résume toujours à ça sous différentes formes. Quoi qu'on pourrait apporter des nuances, mais rappelons quand même que les grandes idéologies, la première grande idéologie moderne, disons à partir du 17e siècle, c'est le mercantilisme, ou souvent on l'appelle le colbertisme, parce que ça avait été popularisé par Jean-Baptiste Colbert, le ministre des Finances sous Louis XIV. Oui. Mais ça, Colbert, ça va peut-être te faire sourire un peu, puis je suis obligé de reparler de Trump, c'est l'ancêtre du Buy America Act. C'est-à-dire que Colbert, lui, son idée, c'était ben faut exporter le plus possible, puis il faut importer le moins possible pour augmenter la puissance de l'État. Lui, il pensait à la France d'abord. Tu sais. Puis, oui, c'est vrai. Mais sauf que on résume ça à Colbert, mais ça a été appliqué souvent à partir de pays, puis jusqu'à maintenant. Donc, Trump relance un peu cette idéologie-là. Mais, sauf que cette idéologie qui permettait, qui misait sur une action très, très intensive de l'État, très, très coercitive, finalement. Oui, bien, on était moins dans la mondialisation que dans les guerres. Hein. Fallait se, d'ailleurs, en créant des dettes avec des pays voisins, c'était une manière de s'y attacher un peu. Puis lui, c'était une capacité d'être indépendant, entre guillemets, pour faire face à ces guerres éventuelles aussi. C'était une politique de puissance étatique, ouais. Finalement. C'est-à-dire, oui, c'est exactement, tu l'as bien résumé. Après ça, bien, si on fait un petit bond dans le temps, là, peut-être 100 ans plus tard, bien, c'est le libéralisme qui est arrivé. Ouais. On a parlé un peu la semaine dernière avec Polanyi, libéraliste avec Adam Smith, David Ricardo puis plusieurs autres. Enfin, une idéologie qui a dominé pas mal pendant le 19e siècle. Qui était l'inverse, finalement. Là, qui, était, ben, qui disait, finalement, laissez donc les agents économiques libres de faire comme bon leur semble. Le marché, la main invisible, va guider tout le monde vers une plus grande prospérité, puis tout va bien aller dans le meilleur des mondes. Bon, bien ça, Polanyi l'a bien expliqué avec sa mécanique en trois temps, là, sa dialectique en trois temps. C'est que ça a créé des conditions tellement pénibles pour les travailleurs, les travailleurs qui arrivaient en milieu urbain, on quittait l'agriculture pour aller travailler dans les usines, bien, ça a créé une réaction. C'est-à-dire, le deuxième temps, c'était la montée avec Karl Marx puis plusieurs autres, avec les États sont mis à vouloir compenser le rôle excessif, finalement, du capitalisme privé, et surtout les populations, les ouvriers, les syndicats ont demandé des protections, et ça a entraîné cette espèce de lutte là, entre la gauche et la droite qui a commencé au courant du 19e siècle. Par la suite, ben, on connaît un peu le rendu au 20e siècle. Ben, là, on a le keynésianisme qui est un peu vraiment là, la social-démocratie qui commence à s'implanter. Puis là, on reconnaît vraiment un rôle pour les gouvernements. On dit que les gouvernements, non seulement doivent compenser les misères des classes pauvres, mais en plus, ils ont un rôle à jouer pour relancer l'économie quand il y a des crises qui se manifestent. Oui, la volonté, c'était clair de dire l'État devrait investir quand ça va pas bien pour restimuler, quitte à quand ça va aller bien, qu'on rembourse nos dettes, c'était ça. Oui, puis comme on l'a dit la semaine passée, puis Polanyi l'a bien expliqué aussi, l'a bien fait allusion aussi, c'est parce qu'on avait peur aussi du marxisme, en fait, bien du communisme sûr. Qui commençait oui. à s'implanter un peu partout. Ouais. Et ça, ça a été les fameuses 30 glorieuses de l'après-guerre. Mais par la suite, si on termine notre schéma à vol d'oiseau, c'est le néolibéralisme qui est revenu dans les années 80. Thatcher, Reagan et compagnie, Mulroney, enfin, presque jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à 2008, à tout le moins. Et là, on est revenu vraiment vers le non-dit. On est revenu un peu à l'époque d'Adam Smith, c'est-à-dire on fait confiance au marché. On fait le moins de réglementation possible, on baisse les impôts. Puis bon, c'est un peu ça l'histoire des idéologies face au rôle de l'État. Est-ce que l'État doit être plus ou moins intervenant dans l'économie? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer? Est-ce qu'au contraire, il est nuisible par rapport au bon fonctionnement de l'économie? Juste un petit aparté, parce que dans les notes tirées de ton livre, d'ailleurs, il y a un moment où tu parles, et là, je te prends peut-être de court, mais tu vas être capable de me suivre, les choix publics. Quand je relisais ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je lisais et j'entendais le programme de la CAQ. Je me disais, mon Dieu, on n'a rien inventé. Là, je veux juste lire trois lignes. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc, c'est une école, disons, l'arrivée de l'école dite des choix publics, le public choice a été évoquée. Celle-ci visait à réinstaurer la liberté de choix des individus face au programme public. En d'autres termes, elle voulait réinsérer l'État dans une logique de marché. Hein? Les individus et les ménages devaient avoir la liberté de choisir l'école, l'hôpital ou l'autoroute qui leur convenait le mieux, quitte à débourser un montant plus élevé. J'ai fait comme « Ah, tiens donc, c'est... » Bon, oui, ben c'était carrément une idéologie, en tout cas une école de pensée de type néolibéral de l'école de Chicago. D'ailleurs, exact. Gary Becker, dont on a parlé ici, un prix Nobel, était membre de cette école du public choice. Peut-être serait intéressant aborder maintenant le rôle, pas le rôle, mais l'importance objective de l'État. Oui. C'est quand même, moi, ça, c'est à la fois surprenant, puis au-dessus des choses auxquelles on s'attend, mais si on regarde, par exemple, la répartition du produit intérieur brut, du PIB, en fait, de la production nationale en 2014, quelle était l'importance du secteur public là-dedans au Québec, comparativement à l'Ontario et aux États-Unis? Si on met ensemble, là, par exemple, c'est des données tirées de Statistique Canada, puis du Bureau of Economic Analysis là, des États-Unis. Si tu mets ensemble l'administration publique, donc la fonction publique, puis les grands réseaux comme enseignement, santé, assurance, assistance sociale, tu arrives à 22,7 %, donc pas tout à fait un quart. du PIB au Québec en 2014 qui dépendait, en fait, qui était produit par le secteur public au sens large, 22,7%. En Ontario, c'était 20,7%. Donc, un petit peu moins, mais c'est, la différence n'est quand même pas si énorme que ça, même si des fois, peut-être la CAQ ou d'autres se rapportaient à dire « Ouais, mais au Québec, il y a bien trop d'États, ça n'a pas de bon sens. » Puis aux États-Unis, c'est 21,2%. Donc, les États-Unis se situent entre l'Ontario et le Québec. Aux États-Unis, ça s'explique pas à cause de l'enseignement, de la santé et de l'assistance sociale, c'est la présence de l'armée, évidemment, qui est un secteur public, l'armée aussi, puis qui est, comme on sait, que l'armée, c'est la première armée mondiale, l'armée américaine. Par comparaison, le secteur public, tel que je viens de le définir, public et parapublic, à 22,7%, c'est deux fois plus important que le commerce à 11%. C'est presque deux fois plus important que le secteur manufacturier, le secteur de fabrication, puis c'est beaucoup plus important que la construction à 6,9%. Donc, on voit que le secteur public, c'est quand même très important dans l'économie. Si on regarde aussi peut-être une autre statistique, d'habitude, je le fais au tout début de l'émission, là, je le fais un petit peu plus tard, mais ça fixe quand même les idées. La pression fiscale, parce que la CAQ ou d'autres partis politiques vont probablement parler en cours de la campagne électorale qu'il faut baisser la pression fiscale, c'est-à-dire les impôts et les autres cotisations, parce que ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est le discours un peu de Trump également, on le sait très bien. Ouais. Au Québec, c'est quand même important. Là. C'est l'impôt des particuliers, c'est 36%. La manière que ça se répartit, là, c'est l'impôt des particuliers, 36%, les cotisations des employés, 7%, l'impôt et les cotisations des employeurs, 23%, donc et l'impôt foncier, 10%. Donc, on voit que ça vient beaucoup à partir de l'impôt, ça retombe beaucoup sur les impôts, sur les épaules des particuliers. Ça revient finalement parce que les entreprises, elles, ne sont responsables finalement que pour à peu près 23%, donc à peu près le quart de la pression fiscale. Puis la pression fiscale globale, puis c'est peut-être là que je voulais en venir, c'est par rapport au Canada, l'ensemble des cotisations, des impôts et des taxes sur le PIB au Québec, c'est 38,5%. On est les premiers au Canada comparativement aux autres provinces. Une bonne marge dans ce cas-là par rapport à l'Ontario, qui est à 33%. La Saskatchewan est la dernière, c'est-à-dire celle où la pression fiscale est la moins forte, à 28%. C'est peut-être beaucoup de chiffres, là, mais... On va réécouter en balado tranquillement. Mais je voulais quand même mentionner, peut-être en terminant, parce qu'on peut se comparer, se consoler ou se désoler. On est un petit peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, les pays développés, donc à 34%. Québec, 38%, l'OCDE, 34%, les États-Unis, 26% seulement de pression fiscale, c'est-à-dire l'ensemble des cotisations sur l'économie. Le Mexique, notre autre partenaire d'ALENA, à 17%. Donc, le Québec, c'est plus de deux fois la pression fiscale que nos amis mexicains, nos partenaires mexicains doivent supporter. Mais on peut se consoler en regardant le Danemark, qui est à 46% même. Donc, le Québec, 34%, Québec 38% de pression fiscale, le Danemark 46%. Je rappelle que le Danemark, année après année, est à peu près toujours le pays où les gens sont plus heureux. Plus heureux, tout à fait. Oh oui, c'est curieusement, vrai. Curieusement, qui aimerait aller au Mexique plutôt qu'au Danemark? Peut-être pour les plages. Oui, quand même, ben, bien sûr. Puis la fiesta, mais oui. Donc, parce que là, le temps file, on est rendu au point suivant, mais juste, je voulais simplement rappeler que tout ce qu'on dit là depuis tantôt, il y a toujours moyen de trouver des statistiques. D'ailleurs, tu en donnes dans ton livre qui démontrent l'effet réel, concret de l'intervention de l'État, de ce que ça peut changer, mais que disons, l'intensité de la présence de l'État, finalement, ça revient. C'est une question beaucoup d'idéologie, c'est beaucoup d'une question culturelle. Je voulais juste lire deux phrases de ton bouquin. Tu dis, en somme, la question de la taille de l'État dans l'économie est loin d'être cruciale. Passer un seuil où l'État assume des services de base, tout devient une question de choix et de valeurs culturelles. Certaines sociétés, comme celle des pays scandinaves, s'accommodent très bien d'un État très présent. D'autres, comme les États-Unis, privilégient la liberté individuelle et préfèrent renoncer le plus possible à la mise sur pied de programmes gouvernementaux à vocation culturelle, éducative ou sociale. Or, l'observation de pays en expériences variées semble démontrer que le degré de présence de l'État ne peut pas être corrélé au succès économique. Certains pays ont réussi avec peu d'États. Il y a ça aussi. On peut toujours trouver d'un bord ou de l'autre. Hein. D'autres avec un État pléthorique. Donc, la qualité des... C'est ça la phrase clé. La qualité des interventions de l'État et sa capacité à bien s'acquitter des responsabilités importe davantage que sa taille relative ou que le niveau de la fiscalité. Donc, c'est l'argent que tu as, là. C'est qu'est-ce que tu fais avec? Puis comment? Bien, ça rejoint bien ce que tu disais tantôt, que dans le fond, l'État, quand on parle d'État, on parle d'ensemble des citoyens, on parle d'ensemble de nous autres. C'est un choix social. La seule affaire, par contre, faudrait que les citoyens soient bien conscients. Puis je pense que c'est bien conscient que quand qui demande plus de services à l'État, ben la corollaire, c'est que peut-être ça va te coûter plus cher en impôts. Oui, mais... ben c'est ça. Là, le beurre, l'argent du beurre ou le tout et son contraire, ça fonctionne pas très bien. C'est-à-dire, je veux plus de services puis que ça me coûte moins cher, ça fonctionne pas vraiment. Il est rendu 25. Est-ce qu'on se lance tout de suite sur protectionnisme et populisme ou on serait rendu là normalement si je me fie au plan de match? Oui, ben, c'est-à-dire que c'est les problèmes et les défis que l'État doit affronter. Donc, exact. Ça fait un petit peu le lien avec ça pourrait faire le lien avec la réunion du G7 qui doit avoir lieu dans quelques semaines, là, dans Charlevoix. Puis, dans le fond, les problèmes auxquels les États doivent faire face, je vous dis, avec leurs moyens, qui sont quand même importants, comme on l'a rappelé tantôt, ben les problèmes sont importants, eux autres aussi. Ils sont d'envergure, surtout d'envergure mondiale. C'est un peu ça qui est un des problèmes présentement. Puis, ça pose le défi de la concertation. Est-ce que les pays sont capables, les États sont capables de s'entendre entre eux pour des problèmes comme la montée du protectionnisme? On sait que, bon, le leadership américain est plutôt vers le protectionnisme présentement, mais d'autres pays comme la France, peut-être le Canada, ou sûrement Canada aussi. D'autres pays, donc, aimeraient plutôt qu'on garde un régime là, auquel on est habitué, le régime plus de libre-échange entre les pays. Mais, puis on est quand même dans un contexte assez particulier parce que d'un côté, les Américains vont vouloir faire Trump et sa gang veulent faire du protectionnisme aigu tout en voulant dicter la marche sur le plan international. On le voit en Europe, notamment, on se fera pas dire par les Américains comment nous, où on va acheter puis comment on va acheter. Donc, les discussions qu'il va y avoir, ça va être assez intense là-dessus. Ben oui, je pense que est-ce qu'ils vont arriver à des consensus, honnêtement, j'en doute vraiment, mais c'est quand même déjà beau qu'ils peuvent se parler. Mais, mais ils ont quand même d'autres. Puis, regarde, de toute façon, nos auditeurs les connaissent très bien parce que les problèmes actuels qui sont majeurs, puis on entend parler pratiquement tous les jours. Il faut qu'ils s'intéressent aussi à qu'est-ce qu'on fait avec les géants du numérique, les GAFA, là, Google, Amazon, Facebook, puis tout ça. Il y a des scandales quasiment à tous les semaines, des scandales soit des entraves à la démocratie ou de l'évasion fiscale, des choses comme ça. Ils ne payent pas les impôts auxquels ils seraient assujettis. Il y a une variante qui est le commerce électronique aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour le commerce transfrontalier? C'est des choses auxquelles il faut que les gouvernements s'adressent à ça. Il faut qu'ils trouvent des solutions. Est-ce qu'ils vont trouver dans Charlevoix, à la réunion du manoir Richelieu? J'en doute, mais au moins s'ils peuvent faire des petits progrès ou convenir de certaines choses, convenir des programmes de travail pour travailler dans le bon sens, ben, tant mieux. Mais les problèmes sont énormes. Et, ajoutons à ça, réduire les inégalités de revenus et de richesses, parce que là, même le FMI, on le répétait souvent à l'émission aussi depuis deux ans, c'est que même le FMI, le très sérieux FMI, fait des mises en garde quasiment tous les mois, quand c'est pas toutes les semaines, pour dire les inégalités de richesse puis de revenus, là. Puis que tu as raison, là, c'est sérieux. Ça va bien présentement, les ça riches. Ça finit par nous rejoindre. Mais si vous voulez que ça continue d'aller bien, là, vous pourriez partager le gâteau un peu mieux. Puis parlons également des défis environnementaux qui sont pas strictement économiques, mais qui ont quand même aussi des impacts économiques. Puis de toute façon, les réunions du G7 ne peuvent pas se limiter à parler de problèmes économiques parce que on parle de problèmes de société. Puis comme on l'a dit la semaine passée, l'économie s'imbrique dans la société. En fait, doit s'imbriquer dans la société. Tout à fait. Et de toute façon, l'environnement et on l'a dit aussi à l'émission, a pris de plus en plus de place dans les discussions, ce qui est quand même une très, très bonne chose. Parce qu'encore là, même si on peut faire semblant que la productivité, la croissance, c'est ça qui compte, à un moment donné, il faut que tu regardes derrière aussi ce que tu laisses comme trace. Et ça, il y a un peu de conscience à cet égard-là. Ben, il faut penser à long terme, mais même là, il y a quand même des impacts à court terme. Prenons par exemple des exemples comme la surpêche ou des problèmes comme la couche d'ozone, la déforestation, les sécheresses qui se reproduisent. C'est toutes des choses qui ont des impacts économiques majeurs. Donc, il faut que les gouvernements, il faut que les sociétés aussi qu'ils représentent voient plus loin que leur nez et se disent, ben, écoutez, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour les autres générations, il faut prendre nos responsabilités aujourd'hui. Bon, Jean-Claude, on va faire une courte pause là-dessus, puis on poursuit la discussion dans quelques secondes. Restez là. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 avec David Leblay au micro et l'économiste Jean-Claude Cloutier. Jean-Claude, on va poursuivre cette conversation-là sur le rôle de l'État. On en parle, on se sert du contexte du G7 pour pouvoir en discuter. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, au congrès, je ne sais pas, congrès de l'Association des économistes, ça a été, j'imagine, un sujet de discussion intense aussi. Oui, ça a été, évidemment, parce que le titre, en fait, le thème du congrès était le protectionnisme et le populisme. Donc, mes collègues et les conférenciers s'inquiétaient un peu de. Parce que c'était protectionnisme inquiété. Et populisme, je vois un gars, là. Oui, mais il sauve qu'il y a une assez grande influence, ce bouffon-là. Oui, bien sûr. Puis, ça inquiète beaucoup, évidemment, le Québec depuis, et le Canada, là, parce qu'on dépend beaucoup du commerce extérieur et notamment du marché américain. Mais il est quand même arrivé des. Il y a quand même des conférenciers qui abordent. L'idée que l'État traditionnel, l'État-nation, là, dans le cas du Canada, c'est le gouvernement fédéral parce que c'est l'État national, a de moins en moins de pouvoir aujourd'hui pour toutes sortes de raisons qu'on connaît de mieux en mieux. Là, c'est notamment dans le contexte du commerce de l'ALENA, on a beaucoup parlé des chaînes de valeur transfrontalières. C'est un jargon d'économiste, mais ça veut dire, on en a parlé souvent à l'émission aussi, oui. C'est-à-dire qu'un produit, dans le fond, il est assemblé, il démarre dans un pays, on l'envoie dans l'autre pays pour avoir une transformation supplémentaire, dans le troisième, puis aussi il revient dans le quatrième, dans le premier, c'est-à-dire en forme de produit fini. Donc, le même bien à différentes étapes de production se promène à travers les frontières. Donc, ça enlève un petit peu de l'autonomie de chacun des pays. Il n'y a pas un pays qui peut dire, bien, écoutez, moi, c'est moi qui ai monopole sur la production de ce bien-là, puis vous allez prendre vous allez prendre les choses telles que moi je les présente et au prix que je veux vous les vendre. Ça, les États sont de moins. Les économies nationales sont de moins en moins dépendantes là-dessus. C'est plus les multinationales qui gèrent comment la production va se faire dans un pays ou dans l'autre et qui va, dans le fond, dicter un peu le commerce. Le commerce en ligne, j'en ai fait allusion tantôt, c'est un autre élément qui enlève de plus en plus de pouvoir fiscal aux gouvernements nationaux. Puis ça, c'est une des choses sur lesquelles je pense que le G7 va devoir se prononcer. Ça commence à être. Les projections sont assez inquiétante là-dessus parce que plus le commerce en ligne croît de façon très rapide et si on n'est pas capable de prélever des taxes là-dessus, ça a des impacts sur les producteurs locaux, les producteurs dont le marché est local et qui n'ont pas le choix que de payer les taxes. Donc, ça avantage les multinationales du numérique face aux producteurs locaux. Bien sûr. Si tu me permets, je vais lire aussi encore un extrait de ton livre. Qu'est-ce que tu veux, c'est bien écrit. Pour pouvoir continuer sur ce qu'on est en train de dire, parce que ça s'y insère bien de toute façon. Tu écris, donc, en réalité, le véritable problème actuel est celui d'une action gouvernementale efficace à l'échelle transnationale, ce que tu viens de dire, et mondiale. La mondialisation de l'économie et des enjeux tels que l'environnement, les espèces menacées et le terrorisme exigent une action planétaire concertée. On sait que ce n'est pas nécessairement évident. Or, une telle concertation est difficile à établir étant donné que les entreprises jouent les gouvernements les uns contre les autres en faisant miroiter des emplois, des investissements, ce dont on parle d'ailleurs. Hein. On sait que les géants du net font beaucoup pression à cet égard-là et des recettes fiscales qui viennent avec. Donc, le système séculaire des États nationaux est dépassé par les problèmes qui confrontent maintenant les sociétés et les citoyens du monde. Il est possible que seule l'action des organismes non gouvernementaux, c'est là où je veux t'amener, réussisse à influencer les actions des multinationales pour la bonne raison que les ONG ont sur les États l'avantage d'une mission simple et qu'ils peuvent embrigader des adhérents et des militants de toutes les parties du monde sans égard à la nationalité. C'est intéressant ça, que ça se dessine. Il y a ça comme option. C'est vrai qu'on voit des acteurs, des organismes prendre de l'espace et à bon escient bien souvent. Oui, puis c'est de plus en plus important parce qu'ils donnent des cotes aux pays. Ils classent les économies. Oui. Puis il y a un organisme les que j'aime. Les délinquants, puis les modèles. Greenpeace. On entend un peu moins parler de Greenpeace, malheureusement. Amnesty International. Transparency International est important aussi, qui va évaluer les pays en termes de corruption. Ça crée une pression sur. En tout cas, ça permet de dénoncer certains pays et donc sur leur comportement et donc de faire pression pour qu'ils s'améliorent. Mais au Congrès, pour revenir au Congrès de la session des économistes, on a mentionné bien sûr les organismes non gouvernementaux dont on vient de parler, mais également on a dit le fait que les gouvernements traditionnels, là, de gouvernements nationaux ont moins de pouvoir qu'avant, ça force un peu l'action des grandes municipalités ou des gouvernements subnationaux. Les subnationaux, le grand exemple, c'est la Californie qui depuis quelques années, dit ben, Trump, là, qui, elle, se fait avoir, nous, on va implanter des choses parce qu'on y croit des choses, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre via les émissions des véhicules automobiles. La Californie, c'est quand même 35 millions d'habitants. Ils ont quand même voix au chapitre. Mais ce qui est très intéressant dans cette idée que les villes, les grandes villes, puis Montréal, peut-être Québec aussi, font un peu partie de cet espoir, finalement, que des acteurs gouvernementaux, mais au niveau local, peuvent faire une différence. Ça ramène un peu, dans le fond, au Moyen-Âge, curieusement, où, alors qu'il n'y avait pas de grand gouvernement pendant le Moyen-Âge, c'était des cités, on appelle ça les cités-États, ouais. Et c'est eux qui, dans le fond, qui faisaient la loi et l'ordre, là, enfin, qui dirigeaient la société avec les pleins pouvoirs. Ça fait fantasmer des mères, ça. Mais là aussi, j'ai une image. Mais d'ailleurs, ce que tu dis là, je pourrais t'amener tout de suite à l'article qui a été écrit justement par Jonathan Durand-Folco. Drôle, on en parle deux semaines en ligne. Un texte qui s'intitule « Des voies pour sortir de la mondialisation néolibérale ». Et c'est très intéressant parce qu'il évoque justement ces capacités locales de pouvoir essayer de tenter un tant soit peu de changer les choses. Il y a différentes options dont il parle. Il parle de des communautés, en fait, le mouvement des villes en transition. Il parle de communautés résilientes, donc où les citoyens vraiment s'investissent sur le plan local pour essayer de changer des choses. Il parle aussi de, il appelle ça les communs, c'est-à-dire de ces endroits où on va se détacher un peu de la propriété privée pour pouvoir voir qu'est-ce que collectivement on peut ensemble penser au jardin communautaire, par exemple, ou autres initiatives du genre où on peut mettre en commun ce qu'on a à faire, ce qui crée des opportunités intéressantes. Et il parle de la poussée du municipalisme. Il dit « Lors des élections municipales en 2015, les principales villes d'Espagne comme Barcelone et Madrid ont été conquises par des plateformes citoyennes municipalistes. Ces coalitions locales rassemblent comités citoyens, partis de gauche radicale et groupes écologistes qui ont décidé de passer de l'occupation des places publiques à l'occupation des institutions. » Là, c'est ça qui est intéressant. Loin d'être une expérience isolée, le municipalisme espagnol ne représente que la pointe la plus visible d'un mouvement de fond qui émerge aux quatre coins du globe. Je trouvais ça intéressant, ce dont il parlait là-dedans. Oui, c'est très encourageant, puis je pense que c'est très, très réel, parce qu'évidemment, comme tu sais très bien, David, et comme nos autres salles le savent très bien, les municipalités, c'est le gouvernement le plus proche des citoyens. Donc, c'est peut-être les mieux en mesure de répondre finalement à des besoins d'embellissement de la ville ou de création d'espaces verts, de lutte à la pollution, au bruit, etc. Toutes sortes de choses à incidence locale, finalement, qui sont importantes et auxquelles les municipalités sont bien placées pour répondre. Peut-être que je compléterai un peu l'énumération de tantôt pour justement dire pourquoi les États nationaux ont peut-être moins de capacité d'agir présentement. On a parlé tu m'as cité tantôt, en parlant de la concurrence fiscale, ouais. Les municipalités mettent les gouvernements les uns en concurrence les uns avec les autres, mais il ne faudra pas oublier la dette aussi, la dette publique, qui est quand même très, très importante dans beaucoup de pays. Et le Japon, par exemple, c'est 225% du PIB. Et ça, c'est les cotes de crédit, c'est les agences de crédit qui font chanter le gouvernement et qui limitent beaucoup leur capacité d'action. Puis évidemment, les accords commerciaux, là, Trump sera d'accord avec moi là-dessus, ça me gêne un peu. Mais les accords commerciaux ont quand même l'inconvénient de dire au gouvernement, bien là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous avez convenu telle chose. Mais évidemment, quand c'est l'Iran, on peut se permettre de déchirer l'accord commercial ou pas, sans trop de problèmes. C'est ça. Et peut-être, pendant les quelques minutes pour parler encore du sujet, je vais peut-être mentionner, revenir sur le G7. Puis oui. Je me disais, je vais aller voir sur Wikipédia, parce que me semble que le G7, ça a déjà été G8, puis ça a déjà été également G5, G7. G5, oui, effectivement. Donc, c'est à géométrie variable. Ouais. G8, parce que les Russes qui ont été expulsés en 2014. Les Russes ont été expulsés. Puis je me suis posé la question, j'ai dit, le G7, là, il n'y a quand même pas la Chine là-dedans. Est-ce que c'est vraiment très représentatif de l'économie mondiale? Bien, finalement, ça l'est quand même pas si mal. Contrairement à mon hypothèse de recherche, la Chine est quand même la deuxième économie mondiale, ça c'est vrai, puis elle n'est pas dans le G7. Alors que le Canada, qui est la 10e économie mondiale, il est dans le G7. En principe, le G7, c'est les 7 premières économies mondiales. Ouais. Et l'Italie, qui est au 9e rang, puis qui probablement va perdre encore quelques rangs d'ici quelques années, est dans le G7 également. Donc, le G7, c'est quand même le club de l'Atlantique, c'est-à-dire les pays européens, et certains pays européens et les pays d'Amérique du Nord. Oui, qui était en fait c'est un club de démocratie libérale. Puis les États-Unis, probablement, c'était eux qui décidaient qui était membre ou pas quand ça a été créé. Mais juste pour terminer mon histoire, il reste que malgré tout, le G7, même sans la Chine, présentement, c'est quand même 46% du PIB mondial. Ça, c'est les données du FMI en 2017. Donc, je suis quand même pas négligeable, 46%, même si on n'a pas la Chine. Peut-être pour terminer aussi, parler du G7. Évidemment, il y a plein d'articles qui ont été publiés cette semaine pour parler de ce qui est au menu, des responsabilités. Qu'est-ce que ça va donner? Il y avait un article intéressant, entre autres, qui parlait de la question à 1 000 $, le G7, ça sert à quoi? Je trouvais ça intéressant parce qu'on nous dit d'abord que c'est 605 millions de dollars pour la facture pour les contribuables canadiens d'accueillir ses amis. Évidemment, c'est essentiellement de la sécurité. Transporter, loger les gens de la sécurité, c'est immense. Mais ils ont fait une entrevue notamment avec le professeur Louis Bélanger de l'Université Laval pour dire, ça sert-tu à quelque chose quand même? Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on va juste bavarder? Bien, il explique là-dedans, entre autres, que les discussions, oui, sont importantes, mais l'intérêt, notamment, c'est parce qu'il y a un bon moment où ils se retrouvent seuls. Donc, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas une masse de fonctionnaires. Ils sont entre eux où ils peuvent donc parler plus franchement, ce qui apparemment est assez intéressant. Mais il faut aussi savoir qu'ils parlent du travail qui est effectué avant. Tu sais, on dit tu te ramasses. Mmh. Là, c'est les fonctionnaires, les gens, les experts qui travaillent là-dessus travaillent longtemps, longuement. Et on va souvent aussi conclure ces choses-là qui ont été entamées et bien préparées à l'avant. Donc, un immense travail de préparation qui précède le G7. Donc, on s'en va pas là les mains vides, on s'en va pas là en sachant pas exactement ce qu'on va faire. Il va y avoir des surprises. D'ailleurs, c'est l'élément particulier de celui-ci, c'est que Trump peut faire effectivement n'importe quoi. Mais quand même, il y a du travail sérieux qui peut s'exécuter et même si la formule reste, dit-il, légère, il y a quand même des avancées qui peuvent se faire, mais tu sais, c'est pas là qu'on vire à 180 degrés, si on se comprend là. Non, mais honnêtement, moi, je me rappelle pas de 10 ou 15 ou 20 dernières années d'une réunion de G7 qui a conduit à des décisions majeures. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact, parce que la décision, dans le fond, ça peut prendre effet quelques mois plus tard ou même quelques années plus tard. Ce n'est pas nécessairement le lendemain du sommet comme tel que ça se produit. Bon, tu vois, ici, il cite, entre autres, le Conseil de la stabilité financière qui a été créé en 1999 à l'initiative du G7. C'est à ce moment-là que ça s'est créé. Il donnait des exemples comme ça de choses particulières qui peuvent se créer au moment du G7. Mais on comprend que non, on ne revire pas à terre à l'envers à ce moment-là. Exact. Est-ce qu'on a terminé pour le rôle de l'État, Jean-Claude? Je pense qu'on a fait un certain tour, en tout cas. Oui, c'était pas pire. Bien, merci beaucoup. On va faire une courte pause. On revient dans quelques instants. On va continuer avec l'actualité dans pas long. Tears on the sleeve of a man. Don't wanna be a boy today. The eternal footman bought himself a bike to race. And Greggy writes letters and burns his CDs. They say you are something in those formative years. Well, hold on to nothing as fast as you can. Alors, allons-y, Jean-Claude, avec l'actualité qui, d'ailleurs, est riche. Hein? Il s'est passé toutes sortes de choses au cours des derniers jours. Je commencerai par Ottawa, prêt à indemniser Kinder Morgan, imaginez-vous. On en a parlé à l'émission déjà. Juste le premier paragraphe. Le gouverneur Trudeau est prêt à verser une indemnité financière à la société américaine Kinder Morgan pour tout retard dans le projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain qui serait causé par des considérations politiques découlant de la vive opposition du gouvernement de la Colombie-Britannique. Oh yeah! Ben, je trouve ça rentre, curieux. Oui, c'est quand même presque étonnant. Ben oui, c'est étonnant, mais ça rentre un peu dans le thème d'aujourd'hui parce que c'est très bizarre. C'est comme si le ministre Morneau s'excusait un peu que les gouvernements peuvent faire de quoi, finalement. Oui, on en a parlé à l'émission, ça, du fait que par l'OMC, par les règles internationales, les entreprises qui s'estiment lésées par les gouvernements démocratiques qui prennent des décisions qui sont contraires à leurs intérêts peuvent poursuivre. Bien, là, ils peuvent faire ça, mais là, c'est même pas que le gouvernement est poursuivi. Même pas besoin. C'est comme, il dit, excusez-nous de vous déranger. Ouais. Excusez-nous que le gouvernement de la Colombie-Britannique vous dérange. On va vous compenser parce qu'un gouvernement exerce ses prérogatives de gouvernement, finalement, ses prérogatives de coercition, comme je disais tantôt. Mais c'est un beau cas, parce qu'on l'avait dit aussi, mais Kinder Morgan, c'est vraiment, pour résumer, le gouvernement de Trudeau qui se coince entre essayer d'être acceptable de l'Alberta tout en essayant d'être acceptable de la Colombie-Britannique. Et ces deux visions qui ne vont pas ensemble. Ça, effectivement. C'est le défi, mais là, on tombe carrément dans la politique constitutionnelle presque, mais c'est le défi du Canada c'est des régions quand même qui ont des possibilités ou des sensibilités assez différentes. Oh, quand tu dis toi-même de temps en temps que c'est pas gérable, c'en est un exemple. Ouais. autre élément d'actualité intéressant, vous avez remarqué que le prix de l'essence, il va vers le haut. Prix de l'essence qui s'aventure, 80 $? Bien, ça, c'est le prix du Brent, c'est le prix du baril de pétrole en Europe. Aux États-Unis, le Texas Intermediate est un peu moins élevé, mais il reste que si un monte, l'autre va suivre également. On a franchi le seuil de 80 $ US pour le Brent, le pétrole de la mer du Nord, cette semaine. Dans le fond, ce n'est pas tellement le 80 comme tel qui est important, mais c'est que la tendance à la hausse se poursuit. Donc, les hausses à la pompe pourraient se poursuivre également. Et là, il y a toutes sortes de raisons derrière ça, mais toutes des raisons qui convergent vers la même chose. D'ailleurs, même Kinder Morgan entre un peu là-dedans, c'est-à-dire le fait que le Canada ne peut pas de plus en plus difficile à sortir son pétrole. Tu vois qu'il faut le faire. Oui, parce que je l'ai mentionné il y a 3-4 semaines, peut-être certains auditeurs vont me trouver moins sympathique, mais c'est une très bonne nouvelle pour l'environnement. Plus que le prix du pétrole augmente, c'est le prix du pétrole, les Arabes, puis pas Kinder Morgan, mais en tout cas, la Colombie-Britannique, dans ce cas-là, les problèmes du Venezuela, les problèmes de l'Iran, c'est tous des facteurs qui convergent, qui vont réussir à faire ce que la taxe sur le carbone qu'on n'a pas voulu implanter n'a pas réussi à faire. Les gouvernements ne peuvent pas faire. Puis là, on revient au thème de l'émission, c'est l'incurie des gouvernements qui n'ont pas le courage de prendre les décisions qui s'imposent pour l'avenir. Bien, curieusement, c'est d'autres gouvernements ou dans certains cas, qui vont faire en sorte que, finalement, ce n'est pas une taxe de carbone de 5 cents le litre qu'on va avoir, ça va des hausses à la pompe de 50 cents le litre qu'on va peut-être avoir et qui vont peut-être finir par faire une différence sur les habitudes des consommateurs. De toute façon, faites-vous la réflexion tout à fait honnête. On recule de 10 ans, vous n'aviez pas, à l'époque, les mêmes conversations qu'aujourd'hui. Combien qui nous écoutent réfléchissent sérieusement à l'idée d'avoir une voiture électrique ou à tout le moins hybride? Hein? Avouez. C'est vrai. Là, les gens disent, moi, la prochaine, là, au moins hybride. Hein? Non, mais c'est vrai. On est rendu là. Et c'est ça que ça a comme impact. C'est pour ça que l'essence à 2 $ la pompe, moi, ça me fait pas peur. Ça pousse vers des changements de société qui sont profonds. Oui, mais faisons un lien avec l'actualité de la semaine dernière. Quand tu vois celui qui a inventé l'automobile, Ford, la compagnie Ford, qui décide de ne plus vendre de véhicules de promenade, juste des F-150, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas qui fait le planification stratégique, mais le pétrole à 80 $. C'est un drôle de pari. Eux autres, là, je suis pas sûr que dans 3-4 ans, là, ils vont pas changer de président. On va parler de morale aussi un peu. Autre nouvelle, à moins que t'avais-tu d'autres choses à ajouter, juste avant que je file au prochain sujet? J'en ai un autre dans l'actualité que je pourrais relier, je pense. C'était dans la presse hier ou avant-hier, la presse qui disait que les producteurs canadiens de cannabis médical, oui. On n'a pas parlé de cannabis à l'émission, aussi, cette valeur, bien, c'est un des gros dossiers au Canada présentement, sont devenus les leaders mondiaux. Et ça, encore là, on peut faire le lien avec l'émission, c'est-à-dire que le gouvernement canadien, dans ce cas-là, en usant son pouvoir de réglementation, mais pour déréglementer, c'est-à-dire en rendant légal l'usage du cannabis médical. Ça a commencé par ça, avant de tomber dans le cannabis récréatif. Ça a eu pour effet de positionner les producteurs canadiens de cannabis, de prendre l'avance sur les autres producteurs mondiaux et de devenir des leaders. Apparemment, je ne sais pas si l'article était peut-être exagéré un peu, mais on disait qu'on avait un pot de tellement bonne qualité au point de vue médical au Canada qu'on était devenu une espèce de puissance du cannabis au monde. Écoutez, je vais juste lire l'introduction de l'article de Tristan Péloquin dans la presse. Il dit « Une poignée de producteurs de cannabis canadiens, les coffres remplis par des investissements spéculatifs totalisant des milliards de dollars, sont en train de s'imposer à grande vitesse dans une vingtaine de pays qui ont légalisé la marijuana thérapeutique. L'Allemagne est leur cible de prédilection. » Il dit « Le plus récent exemple de la vague d'expansion internationale en cours, le producteur ontarien Afria, qui fournira 12 millions de grammes de marijuana par année à la future Société québécoise du cannabis, a acheté hier 25% des parts de l'hôpital privé Schoenberg de Berlin. » Avec ça, tu sais, les gestes sont concrets. On est en train de s'aventurer dans le monde. C'est fantastique, ça, c'est drôle. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais ça, en même temps, ça me fait sourire un petit peu parce que moi, j'ai toujours pensé que le Canada, malgré tout ce qu'on aime, puis le Québec, c'est vrai pour le Québec aussi, on demeure une économie de ressources naturelles. Puis là, avant, c'était le blé, puis c'était le fer, mais là, c'est le cannabis qui va être notre ressource naturelle. Tu vois, enfin, peut-être. C'est les choses qui poussent. Puis enfin, Jean-Claude, dans l'actualité, le pape dénonce la finance mondiale jugée Amoral. Wow! Ça, ça me réjouit beaucoup. Alors, Marc, peut-être qu'ils vont y répondre. Mais regardons dans ta cour, le pape, t'as oui, des problèmes. Oui, t'as des scandales, aussi. De monsieur. Mais, oui, mais oui, là, ce oui, que je trouve oui, ça très bon, oui. Puis très significatif, que le Vatican, le pape François en l'occurrence, là, se mêle d'aller dire hey, la finance puis les inégalités mondiales, ça n'a pas de bon sens. Le François et Piketty, même combat, là, ça, je trouve ça très intéressant. Vraiment. Puis je pense que l'Église, vraiment, dans ce cas-là, là, ils ont vraiment une attitude vraiment chrétienne, c'est-à-dire vraiment s'occuper des démunis. Ben. Là, vraiment, plutôt que s'occuper de protéger les puissants, comme ça a été trop souvent le cas dans l'histoire de l'Église, là, présentement, on met le doigt sur les vraies affaires. Oui, OK, je vais poursuivre, mais donc, juste pour vous donner une idée aussi, je vais lire juste un extrait de cet article qui est très intéressant. Placement offshore, spéculation sur la dette des États. Le pape François a la dent dure contre la finance et ses excès. Dette publique, produits dérivés, prêts hypothécaires à risque, économie offshore. Le Vatican a décortiqué et critiqué avec une précision technique inédite. Et c'est ça qui est fascinant. C'est pas juste dire, hey, c'est plate. Non, attends, on en parle longuement. Le système financier mondial qu'il juge globalement amoral. Le pape François témoigne notamment de la crise économique argentine et de l'exploitation des plus pauvres traités comme des déchets. N'a de cesse de dénoncer une économie financière virtuelle et destructrice d'emplois, au point d'être accusé d'idées marxisantes. Qu'il réfute. Extraordinaire. Ben, c'est dans là qu'il ne reste pas beaucoup d'émissions, parce que tu pourrais peut-être inviter le pape comme témoin. Je vais appeler Frank, je vais dire, es-tu disponible? Écoute, ben oui, c'est une bonne idée. Ben, à part, je trouve ça tellement intéressant, cet article-là, que je vais essayer de mettre la main sur le je ne sais pas quel document que le pape a produit, là, je ne sais pas si c'est une lettre pastorale, mais ça me donne le goût d'essayer d'aller lire ça. Excellent. Ben écoute, on va, petite pause musicale de rien, puis au retour, c'est la question de la semaine et la conclusion, on n'a pas long. Jean-Claude, allons-y. Ben oui, on va en parler justement. Écoute, c'est difficile de couper cette pièce-là, c'est magnifique. On est dans la même logique, dans la même idée, parce que, question de la semaine, quel est le pourcentage de la population mondiale, et ça intéresse le pape François, qui vit toujours dans l'extrême pauvreté? Oui, puis je rappelle que c'est $1.90 par jour. Ils appellent ça des dollars internationaux. C'est la banque, des chiffres de la Banque mondiale. Ils appellent ça des dollars internationaux. Ils veulent dire des dollars en parité de pouvoir d'achat parce qu'on a parlé il y a quelques semaines, parlant du prix du hamburger un peu partout, le même dollar ne vaut pas la même chose en termes de pouvoir d'achat dans différents pays. Mais il reste que donc en dollars international, en 2015, ce sont des chiffres de la Banque mondiale, encore une fois, il y avait 9,6 %, donc presque 10 % de la population mondiale qui vivait à moins de $1.90 par jour, ce qui est quand même pas beaucoup. Mais il reste que c'est préoccupant, c'est inquiétant, c'est scandaleux même que 10 % des gens doivent vivre avec ce chiffre-là. C'est un milliard, pareil. Mais il faut se rappeler, puis moi, là, je vais faire mes blagues habituelles, là, comme droit, toi, t'étais pas né à ce moment-là, mais moi, je me rappelle, dans les années 50-60, quand j'étais un petit gars, on disait à peu près les deux tiers de l'humanité vivent, mangent pas leur faim. Mais c'était vrai, parce que les mêmes chiffres disent qu'en 1950, c'était pas 9,6, c'était 55 % des gens dans le monde qui vivaient dans l'extrême pauvreté. Puis on a extrapolé, on a reculé jusqu'en 1820, la belle époque du libéralisme économique, le début du libéralisme, du libre-échange, pas du libre-échange, mais de l'économie de marché. Là, c'était 84 %. C'est quand même incroyable quand tu regardes ça. Je comprends, c'est des extrapolations, il faut en prendre pour en laisser un petit peu, mais il y a un progrès quand même extraordinaire qui s'est fait en l'espace d'à peu près 200 ans, là, du 120, ça fait presque 200 ans, effectivement, on est passé de 84 % de gens qui vivaient à 1,90 $ par jour à 10 %. Peut-être dans 100 ans, ça va baisser à 1 %. Espérons-le. Espérons que ça ne remontera pas, en tout cas. Bien sûr. De toute façon, on pourrait relativiser en disant que ça dépend aussi des besoins. Hein. Les besoins augmentent aussi. Fait que tu as besoin de plus d'argent, il y a plus de besoins. Non, mais reste que, regarde, c'est un progrès, mais faut pas non plus être complaisant et dire qu'on a fait la job qu'il fallait faire, là, il y a encore des pauvres. Puis là, c'est extrêmement pauvre. Il y a également les pauvres un peu moins pauvres, mais qui ont de la misère à vivre, prendre 2-3 repas par jour, eux autres aussi. Jean-Claude, juste avant que je démarre le thème, la semaine prochaine, une dernière émission, un peu spéciale, quand on t'a entendu dire « J'en ai marre », on parlait d'un blog, blog « J'en ai marre ». Probablement qu'il y a des gens qui disent « Oui, j'ai déjà lu ça ». Moi, je le lis de temps en temps depuis plusieurs années. Je pense que ça fait 10 ans ou à peu près qu'il tient son blog. Ça s'appelle « J'en ai marre », donc c'est des propos d'économie. En fait, une plume bien aiguisée, hein, assassine même aussi au besoin, mais trempée dans le bon sens, dans la rigueur. Cette personne-là nous intéresse. Oui, ben c'est un blog très intéressant et un peu fascinant parce que, j'allais dire monsieur ou madame, j'en ai marre, mais c'est un pseudonyme, évidemment. Ouais. Il a touché beaucoup de sujets, puis toujours de façon très documentée, puis un rythme quand même assez rapide. Fréquemment, là, je dirais peut-être pas tous les jours, mais assez fréquemment. Puis encore une fois, avec beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations, donc des blogs très riches en informations. Et là, il commence un peu sa vie publique, là, qui est acceptée. On a peut-être en primaire mondiale. Je vais lui demander si c'est une première mondiale, mais la semaine prochaine, vous allez entendre la voix de Mario Jodoin. C'est incroyable, hein? Mais je suis très fier de ça. Donc la semaine prochaine, on vous parle de ça. Voilà donc ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup. Un plaisir. Et puis, donc, la semaine prochaine, on va vous présenter ce blogueur mystère qui ne le sera, en fait, un peu moins. Alors, ne manquez pas ça. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Surtout s'il y a des bouts que vous avez trouvés compliqués, on le réécoute une deuxième fois. C'est pas grave, ça aide. Visitez econophile.net. Merci et à bientôt.